Bonjour. Coucou. Hello. Alors, ici Elkatou et je suis toujours avec Léo et Nelson. Yes. Et Alors, nous. cette semaine, on est un peu lubrique. Enfin, pas Et tous, hein. aventurier. Ouais, c'est ça, on a fait un espèce de petit mélange là. Mais il s'est trouvé qu'on était en phase avec Nio. Oui, tout à fait, comme par hasard. Donc, on va commencer avec Nio qui va nous parler de Les Petites Écolières de Frédéric Lansac, alias Claude Nulot. Oui. Ensuite. Alors, Attends, attends, attends, 2 secondes, tu me laisses parler des autres films. Ouais, là, tu l'envoies direct. tellement lubrique qu'on est prêt à partir au quart de tour. Attends, attends, attends. Ensuite, on va parler avec moi de La Maison des Perversités, Le Promeneur du Grenier de Noboru Tanaka. Et enfin, on Les va. origines du joueur du grenier, avant il y avait le pervers du grenier. Oui, bien sûr. Et ensuite, on va terminer avec Nelson, qui va nous parler de rien à voir, même pas de cul, de Mike Guyver, le trésor perdu de l'Atlantique, un téléfilm spécial de Michael Véjart. Donc vas-y, Léo, là maintenant tu peux. Vas-y, go. Trop tard, j'en ai mis plein partout. Alors, du coup, donc Les Petites Écolières, c'est un film de Claude Mulot, alias Frédéric Lansac, dans le milieu du X. Et Claude Mulot fait partie de ces réalisateurs qui ont contribué à l'âge d'or du cinéma érotique et pornographique français. Mais il faut savoir que Claude Mulot ambitionnait, déjà c'est quelqu'un qui était un passionné de cinéma sous toutes ses formes, et il voulait faire, donc il a fait du X, mais il voulait aussi faire autre chose. Dans sa carrière, justement, quand on voit qu'il commence sa carrière en tant que réalisateur, son second film, en 69, La Rose Écorchée, c'est un film qui se déroule un peu, qui est un peu comme un hommage à la Hammer, avec un château, une robe rouge, un cimetière, voilà. Il fera aussi en 71, par exemple, juste après La Saignée, qui est un petit film policier que j'ai eu la chance de voir en festival, quand on pouvait encore voir des festivals, évidemment. C'était au Forum des Halles. Le festival en question, c'est, si je ne me trompe pas, l'Étrange Festival. Et je l'ai vu il y a un an ou deux, La Saignée, vu que c'était à l'occasion puisqu'il avait été remasterisé par Le Chat qui fume et qu'il allait sortir donc en DVD et Blu-ray quelques mois après. Mais pour mieux parler de Claude Mulot, je vais citer les mots de Didier Philippe Gérard alias Michel Barny, autre réalisateur du milieu pornographique, quand il fait une préface au livre de Christian Valor qui s'appelle Frédéric Lansac, cinéaste sous X, qui est sorti aux éditions Nitrate, Le Chat qui fume. Et Michel Barny dit ça de Claude, il dit: Claude était un fou de cinéma. Il y allait 2 fois par jour, il dévorait tout. C'était sa passion. Tous les genres, avec une prédilection pour le bis qui venait d'arriver en France à l'époque. Sur les boulevards, au Stix ou ailleurs, on pouvait donc voir les films de Jeff Franco, Mario Bava et tous les autres, et Claude s'est pris ça en pleine figure. Mais cela ne l'empêchait jamais d'être aussi red dingue d'un film comme La Traversée de Paris et de citer Orange et Boss dans le texte en permanence. C'est d'ailleurs Claude qui m'a fait aimer Gabin. Et Michel Barny continue en disant justement à propos de Claude: Claude était hyper séduisant, mais ce n'est pas du tout un séducteur. C'était un mec qui avait une aura, du charme, et qui ne faisait rien pour ça. En fait, il était tellement cool, tellement intéressant, tellement agréable, que beaucoup de gens l'adoraient. Carlos, Johnny, Sylvie, Eddie Vartan, Sardou. L'affection, l'amitié, l'amour qu'il lui portait n'étaient pas artificiels. Il l'aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il représentait. Certains n'avaient même jamais vu ses films. Donc voilà. Petite préface de Michel Barnier au livre de Christian Valor, Frédéric Lansac, Cinéaste sous X, qui veut un peu tout dire. C'est-à-dire que dans le milieu, Claude Mulot, c'est quelqu'un qui est arrivé dans le X, mais qui du coup qui était un mec tellement cool, etc., qu'il a essayé dans ses films de montrer ce petit côté cool, chaleureux, etc. Et quand on fait, par exemple, quand on débute dans le cinéma du X avec en 75 le sexe qui parle, voilà, on peut se dire que est-ce que c'est un film porno ce truc? Oui, mais non, sachant qu'il y a une version soft qui a été édité chez Bad Film et que j'ai vu, d'ailleurs, j'ai envie de dire malheureusement, j'aurais préféré voir la version porno, qui a un petit côté un peu comédie, parce que c'est le fameux sexe qui parle, et aussi un petit côté sociologique, avec justement, bon, évidemment, on ne va pas le cacher, le côté sociologique qui est un peu sous-représenté dans le film. Et donc, en 80, les petites écolières, à ce moment-là, Claude Mulot, il veut un peu arrêter le X, mais voilà, il va continuer encore un peu, avec justement La femme objet, en 81. Mais il va aussi continuer un petit peu, il fera Black Venice en 83, et il va tenter de faire un peu une incursion dans le giallo à la française en 86, avec Le couteau sous la gorge. Malheureusement pour lui, Claude Mulot, il va très vite disparaître, puisqu'il meurt à 44 ans, à Saint-Tropez, le 13 octobre 86, il se noie. Il y a pire pour mourir. Hein. Oui, voilà, mais bon, il y a mieux aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, surtout pas par noyade, c'est clair. Et je voulais savoir juste un truc. Il a quitté le X. À l'époque, c'était, est-ce que c'était par lassitude ou est-ce que c'était par problème que, le fait que ça ne rapportait plus? C'était par lassitude. Lassitude, d'accord. Il voulait vraiment commencer à faire d'autres choses. En 80, il fait Les Morales, qui revient à l'érotisme. Il y a Black Venice en 83, donc qui est de l'érotisme aussi, etc. Donc il essaye de se mettre une porte de sortie, et comme j'ai dit tout à l'heure, il avait déjà commencé hors du X avec La Rose Écorchée ou La Saignée. Donc, bon. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment qui a fait du X parce que ça rapportait, et on va pas le cacher, il pouvait en vivre assez bien à l'époque. Disons, jusque dans les années 80, justement, vu qu'il y a le tournant 80, etc., dans le milieu du hard, qui devient en plus very hard, mais peut-être que tu nous en parleras peut-être un jour un peu plus, Nelson. Mais bon, donc Les Petites Écolières, donc film en 80, et c'est aussi la porte de sortie d'une certaine Brigitte Lahaie, puisque Brigitte Lahaie, après quelques années sous le X, où voilà, elle tournait hein, une énorme quantité de films, Brigitte Lahaie veut arrêter le X. Et Les Petites Écolières va être son dernier film X. Et d'ailleurs, Brigitte Lahaie, dans le livre que Christian Valor consacre à Frédéric Mulot, enfin, Claude Mulot, alias Frédéric Lansac, je suis désolé, je suis en train de mélanger, mais bon, c'est un peu Dr. Jekyll Mulot. Brigitte Lahaie évoquait un tournage très pauvre, un film très structuré, mais dernier tournage dans le X va la laisser un peu amère. Donc Brigitte Lahaie qui raconte, qui se confie à Christian Valor, elle raconte dans le livre, « Je découvrais que la ferveur qui m'animait depuis 4 ans m'avait fait supporter l'insupportable. J'en arrivais à considérer mon travail comme une caricature de ce que j'espérais. En juillet 80, j'accepte de tourner dans le film que Frédéric Lansac prépare depuis quelques semaines et dont on dit qu'il sera l'un des meilleurs films de X de l'année. Je cède, tout d'abord parce que je m'étais engagé auprès de Lansac avant de décider d'arrêter, ensuite parce qu'il m'avait convaincu de tourner une dernière scène hard en me promettant de donner l'un des rôles principaux du film soft qu'il préparait alors, L'Immoral. Par la suite, la pauvre Brigitte Lahaie ne va pas avoir le rôle dans L'Immoral, puisque visiblement, Claude Mulot n'a jamais assumé visiblement peut-être ses tournages de X. Ça, c'est pas très clair. Brigitte Lahaie continue en disant, 40 ans plus tard, donc, elle dit, ça n'était pas terrible de sa part de m'écarter du film, mais j'en ai jamais réellement voulu, ça aurait rien changé à ma carrière de toute façon. Parce que pour la petite histoire, Mulot lui avait aussi promis donc le rôle dans L'Immoral, et c'est en fait grâce à un producteur que en fait Claude Mulot va donner un petit rôle à Brigitte Lahaie dans Le couteau sur la gorge. Brigitte Lahaie, en 86, bon, elle a déjà commencé à tourner avec d'autres réalisateurs, elle a tourné dans donc L'Exécutrice, qui est une espèce de... Michel Caputo, 86. Voilà, qui mélange érotisme avec thriller, série B, etc. Ah, un monde d'érotisme dedans, mais c'est plus une espèce de thriller très mal joué. Malheureusement, on sent qu'il y a beaucoup de problèmes dans la préparation. Et le film, il a pas pu être ce qu'il voulait être. Et surtout dans le montage qui a été fait à la serre. Ça m'étonne pas des masses. Elle a aussi Les Prêteurs de la nuit de Jeff Franco. Ouais, Jeff Franco, ouais. La fin de sa période bricolage. À l'époque où il sortait un film et en même temps il allait gratter des thunes pour en faire un autre alors qu'il n'avait pas fini le premier. Ouais, mais Jeff Franco, curieusement, et des fois au côté bricolage, ça tient très bien. C'est ça qui m'a toujours surpris. Ah, j'ai pas dit le contraire, hein, mais bon, c'est vrai que c'est quand même, c'est un touche-à-tout, c'est une espèce de touche-à-tout qu'on reverra plus jamais. Hein. On verra très peu, en fait. Donc, on revient sur Brigitte qui parle à propos des petites écolières. Elle dit « J'avais très envie de le faire, ce film. Je connaissais l'équipe technique. Je savais que les images seraient belles. Et ce genre de film, dans la droite ligne d'Emmanuel, assurerait une transition entre le X et un cinéma plus sérieux. » J'ai donc accepté de tourner dans les petites écolières où je n'apparais que dans une seule scène hard pour ma dernière fellation cinématographie. Je n'étais plus moi-même, j'avais l'impression que je n'avais jamais tourné ce genre de choses. J'étais si mal à l'aise pendant le tournage que j'ai joué la scène avec une paire de Ray-Ban comme pour cacher mon visage. J'ai tourné ce 47e et dernier film porno érotique et je n'ai pas eu de rôle dans l'immoral. J'avais tenu mes engagements jusqu'au bout et ce cinéma auquel j'avais tant donné de moi-même me trahissait au dernier moment. Voilà. Brigitte Lahaye qui était un peu amère mais qui n'a pas vraiment gardé de rancune pour Mulot, quoi, finalement. Bah, en même temps, c'était la fin de sa carrière. C'est ça, mais voilà, elle espérait quand même terminer peut-être sur un coup d'éclat et voilà. Alors bon, là par contre, j'ai envie de dire, après avoir vu le film, qu'elle a pas juste une scène. Elle a quand même pas mal de scènes dans le film. En fait, elle est à la fois au premier plan et au second plan, puisque les petites écolières en question, c'est elle, ce sont elles les vraies origines du film. Alors, les petites écolières, c'est un film X, et comme tout film X, il a subi des remontages, il a eu plusieurs titres. Alors, quand le film il est enregistré au CNC le 18 juin 80, il est enregistré sous le titre « La rentrée des classes ». Notez bien. Quand il ressort en 82, le titre c'est « Amour adolescente ». Quand il va passer sur Canal Plus en 96, ce sera « Leçon privée ». Et quand il va sortir en VOD, ce sera « French Sex Lesson ». Tandis qu'en Allemagne, ce sera « Internat d'amour » pour la sortie en DVD. Bon, ça vous donne une idée. Donc voilà. Date de sortie, donc 29 octobre 80, diffusée sur Canal Plus le 1er septembre 96. Est-ce que c'était à la suite du journal du Hard? Bonne question. Nelson, un commentaire? Journal du Hard, le premier journal du Hard, il me semble que c'est en 92. Ah, donc ils ont eu le temps de quand même de passer pas mal de trucs et... Bon. Ouais. Et pour l'histoire des fêtes des écolières, du coup, effet d'histoire... Alors, la police, en fait, vient de faire fermer une luxueuse maison close qui était tenue par la tenancière Brigitte Carré. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on retrouve juste dans des caméos très rapides une certaine Marilyn Jess et une certaine Karine Gambier. Oh. Karine Gambier allait mettre aussi fin à sa carrière du X totalement pour disparaître elle totalement des écrans. Parce que Karine Gambier, elle a fait un mariage assez avantageux et elle a mis fin à toute sa carrière dans le X et dans le cinéma carrément. Ouais, c'est souvent des stars un peu comme ça, là, assez des étoiles filantes. Elles ont très vite disparu pour ne plus, enfin pour des vies complètement ou anonymes. Ou alors, je pense surtout à Claudine Beccari, par exemple, qui est la première grande star du X, qui elle a décidé de partir du jour au lendemain avec sa compagne et d'aller élever des chèvres dans l'Arzac, quoi. Mmh. Bah, Marilyn Jeff, elle, c'est juste un petit caméo, mais elle tournera dans La femme objet de notre cher Claude Melot, Frédéric Lansac. L'année d'après, en 81, qui est vraiment le... qui, par contre, là, par contre, je ne vais pas dire le dernier film de cul de Mulot, vu qu'il y aura Délice du Tossing, 83, mais c'est plus du X qui vire vers l'érotisme, un peu comédie franchouille, poète-poète, tandis que La femme objet est peut-être le dernier film de X de Mulot, mais pas le dernier film avec Marilyn Jess, qui, je ne vais pas dire qu'elle prend le relais de Brigitte Lahaye, parce que elle a commencé dans le milieu en même temps que Brigitte Lahaye, voilà. Mais elle a continué un peu plus, quoi. Par contre, Marilyn Jess, elle va arrêter sa carrière au milieu des années 80 à cause du sida qui commence à se développer. Elle a eu peur, elle s'est dit, je vais arrêter là. Ça n'a pas empêché Marilyn Jess de revenir curieusement sur les écrans ces dernières années dans 2-3 films, notamment Laissez bronzer les cadavres, où elle joue, elle a la quarantaine, elle joue une fliquette. Une fliquette qui intervient, et je trouve que... non, je ne sais pas qu'elle a la quarantaine. Et là, je vérifie un peu Marine Jess, mais je la trouve dans le film qui date de 2017, de Fait bronzer les cadavres, quand je l'ai vu en fliquette, elle a la soixantaine. Franchement, elle est... Je ne vais pas être vulgaire, mais... Bon, dans le milieu du X, donc je vais être un petit peu vulgaire, je vais dire, franchement, elle est encore bien gaulée, quoi. Bon, voilà. Pardon, Tu fais bien de préciser, je vais être un peu vulgaire. Voilà. Donc du coup, notre tenancière, bonjour pour Brigitte Lahaye, il y a une descente de la police, et à un moment, le flic lui dit, écoutez, pareil qu'il y a un malaise dans l'éducation nationale, vous avez couvert un établissement scolaire. Eh ben, elle va pas se le faire dire deux fois, Brigitte. Elle va ouvrir une espèce d'école privée, où des cours seront donnés à des jeunes filles pour qu'elles soient un peu plus libérées vis-à-vis du sexe, qu'elles n'aient pas peur de ça, ou même il y en a une qui s'inscrit parce que son copain disait « elle peut mieux faire ». Oui, d'ailleurs, il y a un... Je veux pas dire que le film est macho, mais on sent que voilà, ça témoigne de son époque. Mm-hmm. Voilà. D'ailleurs, il y a une réplique qui me fait un peu marrer, c'est que dès qu'à un moment elle a eu ses premiers cours, etc., Kathy Stewart qui joue dans le film, femme magnifique, qui a même tourné chez Rolin, et qui d'ailleurs elle va disparaître très vite aussi. Bon voilà. Elle a eu une carrière tragique. Elle est morte à 38 ans, si je me trompe pas, Kathy Stewart, à cause d'une overdose. Ah ouais. Ouais, c'est elle a disparu dans les années 90, au début des années 90, quoi. Ah ouais, elle, c'est vraiment hardcore, quoi. Mais voilà, et c'est même pas le sida ni rien. Et c'était une femme magnifique. Elle joue dans La Nuit des Traqués, où elle retrouve notamment notre chère Brigitte Lay. Et elle est magnifique aussi bien dans chez Rolin que ici chez Melo. Donc, on la voit retrouver son fiancé dans le film. Et qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez, quand elle a la voiture avec son fiancé, elle le suce. Et là, le fiancé a cette remarque magnifique qui dit: on a beau dire les études, rien que ça devrait. Bravo. Bravo. Bien joué. Voilà. Donc, c'est une espèce d'école où on a quatre élèves. Donc, il y a Suzy, jouée par Kathy Stewart. Comme dit son petit ami, elle est pas mal droite, mais elle peut mieux faire. Nous avons Claudia, qui est jouée par Céline Gallone. Son background, c'est qu'elle est encore vierge à 20 ans et son fiancé considère que c'est une anomalie, entre guillemets. Non, mais je l'ai dit, j'ai précisé, hein, c'est vraiment un document sociologique de l'époque. De nos jours, il y a des trucs qui ne pourraient plus trop passer. D'ailleurs, il y a une scène qui ne pourrait plus trop passer de nos jours, je vais y venir après. Il y a Nathalie, qui est jouée par Dan Baker, et il y a Nanette, qui est jouée par Elodie Delage. Et du côté des professeurs, nous avons donc notre tenancière, qui est aussi la directrice, Brigitte Lay. Et nous avons Alban Seret, qui joue le professeur principal, et le surveillant général est joué par Dominique Aveline. Donc, en gros, on est quand même entre de bonnes mains, c'est quand même des cadors du X, hein. Ce ne sont pas forcément des débutants. Enfin, peut-être pour Céline Gallone, je sais pas, Céline Gallone ou Jane Baker, bon. Donc voilà, cette école, il y a les cours, tout ça, etc. Le film ne manque pas d'humour, parce que côté scène de cul, j'ai envie de dire que j'étais un peu déçu, parce que déjà c'est très répétitif, et à 90%, c'est que des fellations. Je vais pas dire qu'on s'emmerde, mais un peu. Alors par contre, c'est rigolo. Le film assume totalement de déconner, voilà, de plaisanter, c'est dans la joie et dans la bonne humeur. Il y a des plans qui sont parfois des plans en contre-plongée de la maison. C'est une banlieue en villa. C'est une banlieue, c'est plus... Christian Valor disait que c'était une petite... Il même la maison en question, qui a été louée donc par Mulot pour tourner le film. C'est une très belle villa, qui est souvent tournée avec des plans en jardin, en contre-plongée. Donc c'est bien filmé, bien éclairé, tout ça. Et puis même, à un moment, il y a même des détournements, il y a le thème musical de Rocky qui est joué au synthé. Et ça, c'est rigolo, parce que pour les notes, l'anecdote, Rocky, si vous avez vu le film avec Stallone, Rocky est surnommé The Italian Stallion, l'étalon italien. Et ben justement, il y a un jeune étalon qu'on présente à nos jeunes écolières pour qu'elle fasse des travaux pratiques. Et là, donc, t'as le thème de Rocky, j'ai fait non. Le thème qui est rejoué au synthé, quoi. Donc voilà, ça montre que le film se prend au sérieux. Il y a même une séquence où Dominique Aveline, pour ouvrir le bal de l'école, pour montrer qu'elles ont eu leur diplôme. Donc on a le rideau qui s'ouvre et on a Dominique Aveline qui va jouer pendant quelques notes sur un xylophone avec sa tub à la place des baguettes. voilà. Alors, par contre, il y a une scène qui est comique avec un plombier qui est venu réparer une fuite. Et là, Brigitte, là, elle fait: mesdames, il est l'heure de passer aux travaux pratiques. Et voilà, la scène de nos jours passerait avec le recul de nos jours. Qu'est-ce qu'on voit? On voit plutôt un mec qui vient et qui va se faire harceler par des nanas, etc. Parce que le harcèlement ne marche pas que dans un sens. Là, je vais pas dire que la scène m'a gêné, parce que c'est quand même rigolo, mais bon, le plombier, à un moment, il cède, il fait: mesdames, calmez-vous, etc. Bon, et puis, bon, ils sont en train de les habiller, de le sucer, tu fais bon, ok, le mec, il abandonne, quoi. Mais pendant quelques secondes, j'ai ressenti un peu de la gêne. Mmh. Voilà, on comprend pourquoi. Donc sinon, le film, c'est un petit film de cul comme un autre, j'ai envie de dire. Je suis un peu déçu que sexuellement, il n'y a pas trop d'innovation, tout ça. Je vais même le dire que c'est pas excitant. Mais le film compense en étant à peu près bien filmé. Les petits points musicaux, tout ça que j'ai cité, l'humour, Brigitte Lahaye qui est toujours aussi classe. Et puis voilà, quoi, ça se regarde. Il y a pire, alors il y a largement pire. Et comme j'ai été initié par un cinéphile suisse, il y a mieux. Ouais, mais en même temps, c'est quand même, je pense, destiné pour pas mal de personnes qui ont une carrière grâce à ça. C'est le champ des signes pour eux et après, il y en a certains qu'on reverra plus jamais et d'autres qu'on reverra. Ben, Alban Serret, on le revoyait encore dans certaines productions dans les années 2010. Ah, mais pour l'anecdote, c'est un champ du signe et c'est en même temps une bonne porte d'entrée, puisque moi, ce fut l'un de mes premiers films porno que j'ai vu quand j'étais en internat il y a 20 ans de ça, sur un petit écran d'ordi, on était 3-4 à regarder les films, on disait « Ah ouais !» J'ai eu peur, je sais que j'ai vu quand j'étais enfant, genre « Merde !» Donc voilà, quoi, j'avais envie de le voir, ça se regarde, et puis j'avais envie de me voir un film avec Brigitte, j'ai vu un film avec Brigitte, et même s'il n'y a pas tous les plans, elle a quand même une sacrée présence, quoi. C'est, voilà, quand tu regardes un film avec Brigitte, voilà, c'est Brigitte, quoi, c'est une légende, on ne va pas le cacher. Une légende que j'ai été très, très content de voir en vrai, justement au Forum des Halles, pendant un étrange festival, où elle était venue, et j'ai pu avoir un exemplaire, donc mon exemplaire de la fin de la colère, dédicacé par Brigitte. Donc voilà. Voilà. Mais c'est une femme qui est adorable, qui est hyper sympathique, hyper ouverte, drôle, intelligente. Non, franchement, bravo. Comme disait le regretté Roger Ebert, critique cinéphile de son état, tout un fait, c'est-à-dire les deux pouces levés. Voilà, voilà, pour cette critique, pour cette petite chronique sympathique des petites écolières, qui est un petit film bas de cul sympathique aussi. Je passe la main à notre cher Katou qui va nous parler de la maison de perversité, le promeneur du grenier. Voilà, et non pas le joueur du grenier. Putain, on va la faire à chaque fois en fait. Donc c'est un film de Noboru Tanaka de 76. Je vous cite l'histoire. Tokyo en 1923. Noboru Gua, propriétaire d'une pension bourgeoise, prend plaisir à espionner régulièrement ses locataires. Ceux-ci, ne se sachant pas observés, se livre à toutes sortes de jeux sexuels. Une des femmes qui l'observe vient à le surprendre et une relation s'installe entre eux. Donc, en fait, l'adaptation sulfureuse, enfin, faut comprendre érotique, d'un roman du célèbre écrivain Rampo Edo Gawa. Ah oui, effectivement. Oui, moi je le connaissais pas, donc... C'est bien rare que les célèbres. C'est une adaptation faite par le studio de l'Anikatsu. Alors, l'Anikatsu, pour s'il y en a qui connaissent pas, ce qui était mon cas avant de voir ça, c'est que c'est la plus vieille boîte de prod japonaise, 1912 hein, quand même, maintenant ils appartiennent à un autre groupe, mais il y a eu en ou de rachat, des trucs comme ça, quoi. Mais ils existent toujours et ils ont fait des films de toutes sortes, aussi bien pour le ciné que pour la télévision. Et dans les années 70 et 80, parce qu'il y avait, avec les années 60, ça allait moins bien parce qu'en fait, les gens ont commencé à se tourner vers la télé. Donc du coup, dans les années 60 et 70-80, ils se sont consacrés à faire ce qu'on appelle des romans porno. Tout à fait. Oui, merci de m'approuver. Qui est une abréviation de romans pornographiques. Qui sont des films plus érotiques qu'autre chose d'ailleurs le film est quand même SF, enfin il n'y a pas beaucoup de différence avec un autre film français qui montrait un peu de cul quoi par exemple ces films-là bénéficient d'un budget relativement important et du coup ça donnait des films qui étaient plutôt bien scénarisés et qui étaient plutôt bien mis en scène. D'ailleurs, on pouvait y retrouver certaines actrices renommées à l'époque qui avaient tourné dans de films plus mainstream. Et d'ailleurs, l'actrice principale, elle, par contre, qui s'appelle Junko Miyashita, c'est plutôt une reine du roman porno et elle a tourné avec les meilleurs réalisateurs de l'Anikatsu, en fait. Par contre, le gars qui est aussi un atout qui contribue à sortir un peu ce côté film, juste film porno, mais qui contribue à faire en sorte que ce soit plus qu'un film érotique, c'est l'acteur principal, Renji Shibashi, qui joue Gua, et donc le voyeur, et qui avait avant ça une carrière dans le théâtre, et avant de faire avant de se spécialiser dans des personnages un peu désaxés pour les romans porno. Donc il est aussi apparu chez Takashi Miike, et on l'a vu aussi dans Tetsuo, et il fait aussi du doublage. Voilà. Et le film, donc le film traite de la manière dont un homme et une femme vont se trouver et s'influencer l'un l'autre. En fait, on va suivre petit à petit ça, et par étapes, ça va aller crescendo. Et il y a d'abord ce moment en fait où ils se découvrent, qui est assez explicite. On a donc Madame Minako, qui est la femme qui découvre qu'elle se fait mater, qui est bourgeoise, qui retrouve un homme habillé en clown, donc enfin en clown, en Pierrot, parce qu'à un moment, j'ai mis en disant oh, Pierrot, Pierrot, enfin bon, c'est habillé en clown pour des parties de jambolaire. Et là, en fait, elle s'aperçoit qu'elle est observée, et finalement, elle laisse faire. Et en fait, c'est ce premier moment qui les lie. Elle est le voyeur, et il est marqué par un regard caméra du voyeur, comme pour prendre le spectateur à témoin de ce qui vient de se passer. C'est la première étape qui les lie, donc. Et on finit par découvrir que cette femme-là, en fait, elle se sert des autres pour son propre plaisir, excepté son mari, dont on ressent en fait qu'elle doit se sentir un peu prisonnière de ce mariage, même si elle est dans un mariage un peu pété de plumes, tout ça, quoi. En fait, c'est comme si ses amants, en fait, lui servaient à trouver du plaisir pour compenser ce qu'elle ressentait comme enfermement dans son mariage. Et parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle obsède assez facilement les hommes de son entourage, et finalement, le voyeur, au départ, il ne vient qu'une personne de plus auprès duquel elle cherche du plaisir. Et d'ailleurs, elle a aussi un côté assez cruel, en fait, avec ses amants, et voire même un petit côté vampirique se révèle, en fait, par la suite du film, sans spoiler pourquoi exactement. Par la suite, en fait, d'ailleurs, quand ça devient un peu, son personnage devient un peu plus dark, en fait, elle parle de venin inoculé en elle, comme si le plaisir qu'on lui avait insufflé avait engendré cette part plus sombre. De l'autre côté aussi, on a donc le voyeur, qui lui est pas du tout adapté au monde qui l'entoure, visiblement. Il vit dans un lieu où il se voit confronté à des gens différents de lui, notamment une femme artiste, un homme religieux qui l'incite en plus à se tourner vers la religion. Il reste observateur de tout ce monde en fait qui l'entoure, mais de qui il a envie de rester en retrait en même temps. Et du coup, il se fait observateur de la perversité qui l'entoure. D'ailleurs, concrètement, en fait, la plupart des personnages... Il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose derrière. Non, excuse-moi, j'ai juste marché sur ma, comment ça s'appelle, sur ma moquette, je m'excuse. Non, c'est que ça a grincé un peu, je suis désolé. D'ailleurs, je sais, la plupart des personnages, en fait, qui vivent diverses perversités et plaisirs, même le religieux, en fait, on voit qu'il n'y a pas, tout le monde est concerné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne hyper pieuse, hyper chaste. En fait, tout le monde est concerné par la perversité, par le plaisir, par le désir, ce genre de choses. En fait, et à la limite, il y a peut-être une seule personne, et finalement, c'est celle qui a un sort un peu spécial réservé à la fin du film. Mais et du coup, ça lui donne en plus un côté très religieux, enfin pas très religieux, mais très très moralisateur, justement, que cette personne-là est un, ça un peu spécial à la fin. Mais c'est très très léger, en fait. Sinon, la deuxième étape qui les lie, en fait, c'est par une ligne de dialogue qui fera d'ailleurs passer les personnages à une autre étape, parce que quand il vient se rencontrer en face à face, en fait, lui, il lui dit à elle, nous sommes de la même espèce. Et en fait, du coup, par la suite, on s'aperçoit que c'est comme si elle devenait une sorte d'inspiration sombre pour lui, finalement. Et il découvre une autre manière d'interagir avec son environnement. Et la troisième et la dernière étape, où la femme et le voyeur finissent par se retrouver, et sur le côté plaisir crime. Et on retrouve ça dans une scène où il y a la musique classique qui donne un côté dramatiquement beau alors qu'ils sont en train de faire un truc voilà qui est un peu mi-sexuel, mi-crime, quoi. Et du coup, ça donne presque un petit côté romantique puisque ça scelle leur complicité, quoi. Et d'une manière générale, en fait, dans le film, il y a de la sexualité, il y a de la sensualité, ça c'est sûr. Mais finalement, ça reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez soft et pudique parce que on y voit des corps, mais à part quelques seins, rien d'explicite, quoi. Et il y a des astuces de mise en scène, comme quand il fait glisser en vain et via une porte, en fait, pour signifier l'acte, ou comme quand il cache, comme quand les deux, la femme et le Pierrot, sont en train de niquer, mais qu'ils sont cachés derrière un parapluie. Voilà, ça reste quand même très très soft, quoi. Et le film, d'une manière générale, il est assez facile à suivre. Et même s'il prend le temps de filmer sa personnage et rester au plus près de ce qu'ils vivent, voir la fin qui est assez inattendue, en fait, la caméra, elle est jamais trop posée, le rythme est plutôt bon, et du coup, il ne perd jamais son spectateur. On est quand même... Ouais? Justement, parce que tu dis que c'est assez suggéré, il y a des bonnes idées de mise en scène, justement, qui font que la suggestion est... enfin, on devine rapidement ce qui se passe. En fait, si tu veux, il n'y a pas tant d'actes que ça, en fait. Il y a surtout, moi, je trouve que c'est plutôt bien filmé, tout ce genre de choses, parce que finalement, il s'attache juste à filmer la poitrine, en fait. Après, tu vois, quand il passe dans du sexe oral ou des trucs comme ça, tu vois une tête, tu vois les jambes, mais voilà, ça reste, t'es pas besoin d'être dans un truc graveleux, quoi. Tu vois, il y a l'essentiel de l'acte, mais c'est pas, c'est pour ça qu'en fait c'est très, enfin, que soit classé en roman porno, peut-être pour l'époque, mais maintenant ce serait fichtrement fasse. Du boob sinon rien. Quoi? Du boob sinon rien. Et sinon, dans l'ensemble, en fait, on est sur des thématiques que certains reconnaîtront dans d'autres films asiatiques, quoi, de cette même période. Et une autre petite chose aussi, l'utilisation de l'image d'archives pour approcher les personnages de la réalité est assez intéressante. Je refais de nouveau référence à la fin, en fait. Il se passe un truc à la fin qui est arrivé dans la vie réelle, en fait. Et du coup, ils ont utilisé l'image d'archives. Et sinon, pour finir, le film a quand même été remaké deux fois, en 94 et en 2007. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui se disent « ça vaut le coup d'en refaire une nouvelle version ». Donc, voilà. Ok. Et tout. Okay. Bon. Cher Nelson. Eh ben, écrite-nous. Après tout ce cul, un peu d'action. Voilà, écoutez, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi j'en suis venu à voir ce film. C'est simple, bon, j'ai eu une semaine assez prise et du coup je me suis dit je vais me regarder. Au départ, je devais regarder Short Time et il se trouve que mon film a planté et du coup il a fallu que je trouve une solution en catastrophe et je me suis tourné vers ce formidable téléfilm qui s'appelle donc MacGyver, le trésor perdu de l'Atlantide, avec donc Richardine Anderson dans le rôle d'Angus MacGyver, Brian Blessed dans le rôle d'Atticus, Sophia Ward dans le rôle de Kelly Carson et Oliver Ford Davis dans le rôle du professeur Carson. Alors il y a deux téléfilms, MacGyver. Il y a le premier, c'est Les Chemins de l'Enfer. Le deuxième, donc, il a été réalisé en 93. Et le deuxième, Les Trésors Perdus de l'Atlantique, qui est le dernier MacGyver, en fait, le dernier épisode de MacGyver dans lequel on trouvera Richardine Anderson. Il est réalisé en 94. Et l'histoire est très, très simple. C'est MacGyver qui se retrouve avec un de ses anciens profs, qui s'appelle Professeur Atticus, qui est un espèce de mec un peu illuminé qui croit en justement le trésor de l'Atlantide. Et il lui dit qu'il a fait des nouvelles recherches et que ces nouvelles recherches l'amènent vers les Balkans. Alors, je précise que donc ça se passe donc dans les années 90. Il y a un fort conflit à ce moment-là dans les Balkans et en ex-Yougoslavie. Et donc du coup, ça relie un petit peu l'histoire de l'époque. Et il se trouve que donc ils doivent aller essayer au départ de en tout cas le professeur Atticus doit au départ convaincre un collège de professeurs émérites de l'université dans laquelle il travaille. Et malheureusement c'est pas possible. Enfin, je veux dire, les mecs le traitent tous de dingue en disant non mais arrêtez. Arrêtez avec vos conneries, l'Atlantide n'existe pas, et puis de toute façon, voilà, vous faites trop la merde, on va vous virer, etc. Et donc du coup, Saraticus n'a plus qu'une solution, c'est d'appeler MacGyver et de partir à l'arrache dans les Balkans pour aller trouver ce trésor. Et donc en fait, ce film, c'est véritablement mon préféré des deux téléfilms. Moi, je suis un très grand fan de MacGyver. Véritablement, un très grand fan de MacGyver. Je les ai tous vus. Alors, c'est le moment de te remettre à la coupe mulet, ça revient à la mode. Ouais, mais j'ai pas assez de cheveux. Enfin, il me faudrait un an pour avoir sa coupe de cheveux. Moi, plus d'un an même. Mais en tout cas, il est, c'est vraiment un téléfilm qui déjà de un ne trahit pas ce qu'est MacGyver, c'est-à-dire que c'est un mec qui est pacifiste, qui utilise sa tête et ce qu'il sait fabriquer avec trois bouts de ficelle plutôt que d'utiliser une arme. La preuve est qu'il y a une séquence où à un moment il démonte une Kalachnikov au lieu de l'utiliser contre un soldat qui le menace. C'est-à-dire qu'il faut s'abattre le soldat et ensuite il démonte la Kalachnikov pour pouvoir s'enfuir. Et utiliser la Kalachnikov comme moyen de pouvoir se libérer ses chaînes. Donc il y a plein de trucs qu'on retrouve exactement. On retrouve les séquences qui font le génie de MacGyver, à savoir les petites trouvailles, comment il se débarrasse. Moi, vraiment la séquence dans les Balkans où il est pris pour où lui et le professeur Atticus sont pris pour des espions. C'est véritablement, moi je me la repasse en boucle parce que c'est super kiffant de voir que le personnage de MacGyver n'a pas été, ils sont pas dit allez on va faire un téléfilm, on va aller niquer le personnage dans les grandes largeurs comme le fait la nouvelle série qui est une merde absolue, je tiens à le dire. J'ai jeté un coup d'œil, je trouve ça dégueulasse. C'est comme la nouvelle version de Magnum. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu sais, je fais une aparté là-dessus. Richard Dean Anderson, il expliquait que lui, quand il a fait le casting, il avait vu plein de mecs, tu sais, genre un peu bodybuildés, un peu massifs, tu vois, des mecs avec des têtes de beaux gosses et tout, tu vois, genre un peu badass, etc. Et lui, c'était le seul mec qui avait l'air simple, en fait. Et c'est pour ça qu'il a été pris. C'est parce que justement, il était simple comme ça. Tu vois? Et il avait un physique simple, genre le mec qui passe partout, qui a pas de qui est pas censé attirer l'attention, quoi. Et c'est tout le contraire de la série, quoi, la nouvelle série. Avec la série, c'est une espèce de minet un peu. Ils ont niqué le personnage de Jack Dalton, qui normalement est un aventurier façon Indiana Jones, et là c'est une espèce de connard texan quand il parle t'entends le banjo derrière, enfin voilà quoi, elle est nulle à chier la nouvelle série. Mais donc en tout cas ce téléfilm là ne chie pas sur ce qu'est à la base MacGyver, c'est-à-dire un type qui se sort de ses emmerdes avec ce qu'il a. Voilà, avec ce qu'il a. Et franchement, même si c'est un peu, même si bon, je vais reconnaître, c'est des moyens de télévision, donc c'est un petit peu cheap, mais le résultat il est bon, c'est-à-dire que le rythme il est là, le film pour le scénario qu'il a, 1h30, c'est vachement bien, c'est pile ce qu'il faut. On s'emmerde absolument pas. Moi, j'ai pas eu de temps mort dans le dans le rythme du film. Il n'y a pas de temps mort. La musique est cool. Les acteurs, moi, alors en VO, moi je l'ai vu en VF et en VO. Le doublage VF est vraiment super. C'est vraiment super. Hein. On a les doubleurs d'origine de MacGyver, etc. Mais voilà, Professeur Atticus, etc. Ils ont véritablement des très belles voix en VO, en VF. Mais alors, faut le regarder en VO aussi. Alors, pendant un moment, on le trouvait sur YouTube, mais maintenant, on le trouve plus. Je crois que Amazon Prime, on peut le trouver dessus. Mais du coup, faut le voir aussi en VO parce que le jeu de Brian Blessed, donc alias le professeur Atticus, est vraiment super cool, quoi. Vraiment, moi, c'est un personnage cité, genre grandiloquent, genre des professeurs un peu grandiloquents, un petit peu pas tête brûlée, mais un petit peu ouf dans sa tête, tu vois. C'est véritablement macabre. Le scénar est tout ce qu'il y a de plus classique, hein. C'est vraiment le film d'aventure. Je m'excuse, hein, mais bon. C'est vraiment le film d'aventure par excellence. On est dans le dernier Indiana Jones est sorti il y a quelques années avant, mais on est vraiment genre c'est le film d'aventure. Non, pas le dernier Indiana Jones, l'avant-dernier. Pardon? Pas le dernier Indiana Jones, l'avant-dernier. Non, le dernier, le 4 n'existe pas, madame. Le 4 n'existe pas, je ne sais pas de quoi vous parlez, j'ai oublié votre phrase. Voilà. Non, en tout cas, voilà, le Indiana Jones était sorti quelques années avant, mais on est pile voilà dans un scénar dans les codes du film d'aventure façon Indiana Jones et franchement c'est vraiment moi j'ai eu des gens qui m'ont dit oh c'est partagé, il y a des gens qui m'ont dit que c'était de la merde, d'un autre qui m'ont dit oh c'est super, franchement je kiffe. Ouais, il y a notamment, là je suis en train de voir la critique de quelqu'un qu'on connaît bien toi et moi en fait, bien sûr, Angé. Voilà. Et mais sinon de manière générale le peu de notes que je vois ça le met un peu plus de la moyenne, un peu plus de 6 quoi. Donc c'est tout à fait ça. Donc ouais, je pense que ça a l'air d'être un truc assez honorable quand même. Et encore, Monsieur Ranger, j'ai eu une petite discussion avec lui sur Twitter et après il m'a dit oh, c'est vrai, bon il est pas mal. Ah oui, il est pas mal, évidemment qu'il est pas mal. Non, franchement, voilà. Et puis en plus, moi ça m'a permis de faire découvrir MacGyver à mon neveu et rien que pour ça, franchement c'est un bon film. Voilà, si vous voulez faire découvrir des vieilles séries à vos gamins. Ou à vos neveux comme moi, regardez ce film là et c'est un bon moyen de pouvoir montrer ce qu'est réellement MacGyver aux gamins de maintenant en leur disant voilà regarde ce truc formidable et va pas regarder la merde que CBS nous a pondue il y a quelques années de ça en disant oh, The New MacGyver voilà c'est une espèce de minet dégueulasse voilà. Franchement, non, c'est ni fait ni à faire. Franchement, je préfère largement celui-là, quoi. Et c'est pas une question, c'est pas un délire de boomer. Non, franchement, c'est vraiment très, très, très décevant, le nouveau MacGyver. Donc, regardez MacGyver, le trésor perdu de l'Atlantide, 1994, réalisé par Michael Béjart, voilà. Qui, lui, est un réal de téléfilms, de séries télé essentiellement des années 90, The Sentinel, Jag, etc. Il les a quasiment tous faits, mais franchement, il vaut la peine. La réal, elle est vraiment pas dégueulasse et ça vaut la peine. Voilà pour moi. Ok. Ok. Bah écoute, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Les cinémas sont toujours pas ouverts. Et apparemment, Roger m'a dit que ce qui était inquiétant dans les cinémas, c'était dans l'ouverture des cinémas, c'était les gens qui se retrouvaient après pour en parler. Ouais, d'accord. C'est parfait. Bon, donc on vous laisse tout le monde. Ouais. On fait des gros bisous. Et bonne semaine. Et au revoir. Au revoir.